Ladies and gentlemen, brothers and sisters in the Dhamma, I am very glad to see you, help you with the Dhamma, the teachings of the Buddha. We are going to practice meditation, vipassana meditation taught by the Buddha. We are very fortunate to practice vipassana meditation. What we are fortunate is that unless the Sammasambuddha appeared in the world, we do not have the chance to practice vipassana meditation. Frères et sœurs dans le Dhamma, je me sens très heureux de pouvoir vous aider à pratiquer la méditation. Nous nous sommes donc rassemblés ici pour pratiquer la méditation vipassana telle qu'elle a été enseignée par le Bouddha. Pourquoi devons-nous nous considérer comme chanceux? Parce que sans la présence d'un Sammasambuddha, il est impossible de pratiquer vipassana. En l'absence d'un Sammasambuddha, les autres pratiques sont possibles, mais la méditation vipassana ne peut pas exister en l'absence d'un Sammasambuddha. Le Bouddha Gautama était un Sammasambuddha. Nous avons donc de la chance car nous sommes actuellement en mesure d'apprendre cette méditation. Le Bouddha Gautama était quelqu'un qui avait la capacité d'enseigner la méditation vipassana à tout le monde. En Birmanie, lorsque j'étais jeune, les gens pensaient que la méditation était réservée aux moines et aux personnes âgées. Mais en réalité, tout le monde peut la pratiquer. À cette époque, les gens pensaient que cette méditation ne s'adressait ni aux laïcs ni aux jeunes. Le vénérable Mahasi Sayadaw a encouragé les gens à pratiquer cette méditation. Il a déclaré qu'elle s'adressait à tous ceux qui avaient l'intention de se purifier l'esprit et de se libérer de la souffrance. Tous ceux qui ont donc l'intention de se purifier l'esprit et de se libérer de la souffrance doivent apprendre cette méditation et la pratiquer. C'est grâce donc au vénérable Mahasi Sayadaw que la méditation vipassana est actuellement devenue très populaire en Birmanie. Nous devons donc nous considérer comme très chanceux. Ce soir, je vais essayer de vous expliquer le Satipatthana Sutta. Ce sutta est en réalité très difficile à comprendre. Les moines eux-mêmes, dans le temps, n'étudiaient que les traductions en birman. Mais actuellement, ce sutta est accessible à tout le monde, qu'il soit moine, nonne ou laïque. Je vais donc essayer de vous expliquer ce soir en quoi consistent les bénéfices de la pratique de vipassana, qui est le prologue à ce sutta. With their respect to the Buddha, Dhamma, and Sangha, to our late, most venerable Mahasi Sayadaw, I would like to start with the Pali chanting of Satipatthana Sutta. Par respect pour le Bouddha, pour le Dhamma, pour la Sangha et par respect pour le vénérable Mahasi Sayadaw, je vais commencer par chanter le Satipatthana Sutta en Pali. Egayano yambekawe mekho sadana wisodhiya Soga bridiwana samade gamaya. Doka domina sana atingamaya. Nyayasa adikamaya. Neba nasa sichigiriyaya. Yadidan jadaro sitipatana. Kadame jadaro. Ida bekawe beku. Kaye kaya nubasi viharadi. Adabi samba jano sitima. Vinaya loge beja dominasam. Vedanasu vedananubasi viharadi. Adabi samba jano sitima. Vinaya loge beja dominasam. Jede jeda nubasi viharadi. Adabi samba jano sitima. Vinaya loge beja dominasam. Dhammesu dhammanubasi viharadi. Adabhi sambhajano sadima viniya loge beja dominasam. Please say sadhu. Sadhu. Ceci, Bhikkhu, est le seul chemin. Le seul chemin qui mène à la purification des êtres, à la victoire sur le chagrin et les lamentations, à la disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale, à l'atteinte du noble chemin, à la réalisation de Nibbana. Ce seul chemin, ce sont les quatre établissements d'action. Le Bouddha a enseigné les quatre établissements de l'attention. Kayanupassana, la contemplation du corps. Vedananupassana, la contemplation des sensations. Chittanupassana, la contemplation de la conscience. Dhammanupassana, la contemplation des dhammas. Et il a ajouté que les quatre établissements de l'attention sont le seul chemin. En pali, ekayana. Eka veut dire seul, yana veut dire chemin. Le Bouddha a enseigné beaucoup de pratiques. Pendant ses 45 ans d'enseignement, il a donné 84 000 sermons. Il a enseigné Sila, il a enseigné Samadhi, il a enseigné Panya, mais il a enseigné beaucoup d'autres choses également, comme par exemple Dana. Si on pratique Dana, il n'est pas possible d'atteindre Nibbana. Si on ne pratique que Sila, il n'est pas non plus possible d'atteindre Nibbana. Si on veut atteindre l'illumination, si on veut atteindre la destination qui est Nibbana, il faut obligatoirement pratiquer les quatre établissements de l'attention. Tous les Bouddhas du passé, le Bouddha Gautama lui-même et les futurs Bouddhas, tous les Bouddhas ont atteint Nibbana par la pratique des quatre établissements de l'attention. Ces quatre établissements de l'attention sont donc le seul chemin pour réaliser Nibbana, c'est Ekayana. La pratique des quatre établissements de l'attention va donc mener à la purification des êtres. La purification des êtres, c'est la purification de l'esprit des êtres. Nos esprits sont souillés en permanence par les impuretés, comme l'avidité, la colère et l'illusion. À cause de ces impuretés, nos esprits ne sont ni purs ni clairs. Si nous voulons nous purifier l'esprit, nous devons pratiquer les quatre établissements de l'attention. Les yogis ici présents pratiquent donc la méditation vipassana sur base du Satipatthana Sutta. Ils observent les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Ces deux mouvements constituent l'objet primaire de leur attention. S'ils sont capables de noter attentivement le mouvement de soulèvement, au moment précis où ils notent ce soulèvement, il n'y a dans leur esprit aucune avidité, aucune colère. Au moment précis où ils notent le mouvement d'abaissement, il n'y a dans leur esprit aucune avidité, aucune colère. À ces moments-là, l'esprit est donc clair et pur. La pratique des quatre établissements de l'attention va nous permettre de surmonter le chagrin et les lamentations. Comme nous ne sommes pas des êtres illuminés, nous sommes souvent tristes, nous serons souvent amenés à nous lamenter. La pratique des quatre établissements de l'attention est la meilleure pour se libérer du chagrin et des lamentations. Sans cette pratique, il ne sera pas facile de s'en libérer. On pourra peut-être y arriver par moments, mais ces choses ne seront pas éliminées complètement de nous. Si nous pratiquons les quatre établissements de l'attention, nous réussirons à réduire ces états mentaux et éventuellement à les supprimer. La pratique des quatre établissements de l'attention va nous permettre de faire disparaître la souffrance physique et la souffrance mentale. Si nous pratiquons Vipassana, nous pourrons réussir tôt ou tard à nous libérer de la souffrance physique et de la souffrance mentale. Ceci ne veut pas dire que la méditation va nous guérir des maladies, mais on ne souffrira plus mentalement. Au début de la pratique, il n'est pas facile de supporter la douleur, mais l'attention va progressivement se développer et le méditant va petit à petit apprendre à surmonter les sensations désagréables. La pratique des quatre établissements de l'attention va nous permettre d'atteindre le noble chemin. Ariya, Magga et Phala. Il y a quatre Magga et quatre Phala. Sotapatti Magga, Sotapatti Phala. Sakatagami Magga et Sakatagami Phala. Anagami Magga et Anagami Phala. Arahata Magga et Arahata Phala. Par la pratique de Vipassana, il est possible d'atteindre ces quatre Magga et Phala. Si on atteint les quatre Magga et Phala, on pourra se libérer de la souffrance. Mais le Putujana, l'être ordinaire qui n'a pas atteint les Magga et Phala, ne pourra pas se libérer ni de la souffrance, ni des apayas, les plans de renaissance inférieurs. Il sera amené à reprendre naissance dans des plans de souffrance. Il faut donc comprendre que l'enseignement du Bouddha, la pratique de Vipassana, peut nous permettre d'échapper aux apayas. Lorsqu'on atteint le premier stade d'illumination, Sotapatti Magga Phala, on brise le cycle du samsara. La personne qui a atteint ce premier stade d'éveil ne reprend plus naissance que 7 fois, et il ne reprendra plus jamais naissance dans les 4 plans inférieurs. C'est de cette façon qu'il se libère du samsara. La personne qui atteint le deuxième stade d'illumination, Sakatagami Magga Phala, ne reprend plus naissance qu'une seule fois dans le monde humain. La personne qui atteint le troisième stade d'illumination, Anagami Magga Phala, ne reprend plus naissance dans le monde humain. Cette personne ne reprend naissance dans le monde des Brahmas. Et la personne qui atteint le quatrième stade d'illumination, Arahata Magga Phala, expérimente le Nibbana. C'est donc cela le bénéfice de la pratique des quatre établissements de l'attention. Pour atteindre l'illumination, il faut pratiquer correctement. C'est pourquoi le vénérable Mahasi Sayadaw a donné des instructions qui se base sur le Satipatthana Sutta. Kaya Nupassana, l'attention au corps. Vedana Nupassana, l'attention aux sensations. Chitta Nupassana, l'attention à la conscience. Et Dhamma Nupassana, l'attention au Dhamma. Ces 4 choses sont en nous. Au début, il faudra observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais ceci ne constitue que l'objet principal d'attention. En réalité, ce sont toutes les activités qui devront être notées et observées attentivement. En posture assise, on demande aux méditants de rester sans bouger, immobile. Il doit essayer de maintenir la posture pendant toute la séance. Et il doit également essayer de garder son esprit focalisé sur les mouvements de l'abdomen. Il doit essayer de noter très attentivement ses mouvements du début à la fin. Ne recherchez rien, n'espérez rien, n'attendez rien. Contentez-vous de noter et d'observer très attentivement. Lorsque votre esprit deviendra capable d'observer et de noter attentivement ses mouvements, vous comprendrez en quoi consiste réellement le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Demande aux méditants de rester immobile en posture assise. Mais parfois, il sera amené à bouger. Lorsque les douleurs deviendront intenses ou qu'il aura des démangeaisons par exemple, il éprouvera le besoin de bouger, de changer de posture, de se gratter. Lorsqu'on bouge, il faut être attentif au mouvement. Il faut noter, bouger, bouger. Changer, changer. Il faut noter tous ces mouvements très attentivement. Ceci, c'est également l'attention au corps. Lorsqu'on a le désir d'étirer le bras ou de le ramener, il faudra également noter étirer, étirer, ramener, ramener. Lorsqu'on se grattera, il faudra noter se gratter, se gratter. Lorsqu'on abaissera la main, par exemple, il faudra noter « abaisser, abaisser ». Tous ces mouvements font partie de l'attention au corps. L'attention au corps ne se limite donc pas à l'attention au mouvement de l'abdomen. Il est possible qu'après un certain temps, vous éprouviez des sensations douloureuses dans le corps. Vous avez noté attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et des engourdissements, des démangeaisons, des sensations désagréables se manifestent quelque part dans le corps. Il faut alors que vous abandonniez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et que vous vous focalisiez sur ces sensations désagréables. Vous devez observer et noter très attentivement la sensation douloureuse. Dureté, dureté, engourdissement, engourdissement, etc. Tout ceci, c'est l'attention aux sensations. Tant que votre attention sera encore faible, il est fort possible que vous ayez parfois le désir de bouger, de changer de posture. Mais essayez d'être patient, essayez de ne pas abandonner, essayez de continuer à noter attentivement la sensation désagréable. Si vous réussissez à noter la sensation désagréable, à la séance suivante, ce sera plus facile, car vous aurez confiance en vous. Vous saurez que vous avez réussi à observer la sensation désagréable pendant toute la séance qui a précédé, sans bouger, et la confiance se manifeste. Vous avez réussi à observer cette sensation désagréable qui cependant n'a pas disparu. Mais il est possible également que cette sensation désagréable vous soit insupportable. Vous pouvez alors changer de posture, mais essayez de le faire en étant très attentif au mouvement et notez, changez, changez, jusqu'à la fin du mouvement, puis vous revenez au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Lorsqu'on médite, on s'efforce de garder son attention sur l'objet primaire. Mais malgré nos efforts, l'esprit ne reste pas fixé sur l'objet. Si vous êtes très attentif, vous verrez que votre esprit est vagabond. Il est très sauvage. Il y a constamment des souvenirs, des projets d'avenir, toutes sortes d'états d'esprit différents. Dès que ces états d'esprit se manifestent dans votre esprit, Vous devez les noter. Vous devez le faire immédiatement, dès qu'ils apparaissent, sans quoi ils resteront. Si vous notez attentivement, pensez, pensez, vagabondez, vagabondez, imaginez, imaginez, se souvenir, vous verrez que ces objets disparaissent lorsque vous les notez. Tout ceci, c'est l'attention à la conscience. Nous notons attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen qui sont l'objet primaire d'attention. Mais il est possible que notre esprit se mette à penser et que nous voyions quelqu'un en imagination malgré que nous ayons les yeux fermés. Il est possible également, si l'attention et la concentration sont fortes, que des images surgissent dans notre esprit. Quelle que soit la vision, qu'il s'agisse d'imagination ou d'image, il faut noter voir au moment précis où ces choses se manifestent dans l'esprit. Il faut noter voir pendant quelque temps, puis revenir à l'abdomen. Et il faut essayer de se focaliser davantage sur les mouvements de l'abdomen. Si ce sont des sons que l'on entend, il faudra procéder de la même façon. Il faudra également noter entendre au moment où on entend les bruits. Mais il faudra noter entendre pendant quelque temps, deux ou trois fois, et revenir ensuite au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sur lesquels on va se focaliser avec plus d'attention, de façon à faire surgir la concentration. Lorsqu'on devient capable de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ainsi que les sensations désagréables, l'attention et la concentration vont se développer. Si votre attention et votre concentration se sont développées et que vous voyez certaines choses, vous devez noter attentivement voir, sans revenir au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si vous notez très attentivement voir au moment où les images apparaissent dans votre esprit, vous expérimenterez certaines choses. Et c'est la même chose pour entendre. Si votre attention et votre concentration se sont développées et que vous entendez des bruits, vous devez noter attentivement entendre sans nécessairement revenir à l'abdomen. Et c'est la même chose pour les odeurs. S'il y a des odeurs, vous devez noter sentir. Et lorsque vous prendrez votre repas, vous devrez manger avec attention. Le Bouddha nous demande de développer la concentration. Lorsque la concentration est développée, le méditant voit les choses telles qu'elles sont réellement. Voir les choses telles qu'elles sont réellement, c'est voir anicca, la nature impermanente, voir dukkha, la nature insatisfaisante, et voir anatta, l'insubstantialité. La concentration est donc très importante. Sans concentration, il n'est pas possible de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et nous ne verrons les choses telles qu'elles sont réellement, ni dans le corps, ni dans l'esprit. Voilà pourquoi la concentration est indispensable. Pour avoir la concentration, il faut développer l'attention. L'attention sati mène à la concentration. La concentration samadhi mène à la sagesse panya. Sans attention, il n'y a pas de concentration. Sans concentration, il n'y a pas de sagesse. Ces trois choses sont donc reliées entre elles. Nous devons donc essayer d'apprendre à être attentif sans interruption. Quand on pratique, bien souvent on espère quelque chose. On espère voir ou expérimenter certaines choses. Mais si on s'attend à quelque chose, si on espère quelque chose, cela veut dire qu'on n'est pas attentif. Il faut donc apprendre à noter et à pratiquer ce que l'on appelle l'attention pure. Si nous réussissons à être attentifs de façon précise à chaque instant, l'esprit va se purifier. Je viens de vous expliquer qu'au moment précis où l'on note attentivement un objet, il n'y a aucune impureté dans l'esprit. Un esprit qui est pur voit la réalité telle qu'elle est. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut s'efforcer de noter très attentivement. So I will stop here for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Then may you understand the Dhamma clearly. Sadhu, sadhu, sadhu.